les gouttes sur le pare-brise. Elles coulent vers le haut. Et si je pleure, j'ai l'impression de voler. J'ai cherché l'eau. Elle était sur la route. Des rivières qui s'étendent devant moi. Le goudron réfléchissant. Le ciel comme la mer. Comme la mer. Le goudron réfléchissant. Le ciel comme la mer. Une mer plate, lisse et droite. J'ai cherché l'eau dans les éclairs. J'ai cherché la bruine. J'ai cherché la rosée. J'ai cherché l'eau au pied des joncs. Mais les joncs ne chantaient pas. Dans la citerne à moitié vide, le vide du verre d'eau à moitié vide. Elle est où l'eau? Elle va où? Le ciel caché par les nuages orange qui coulent de sable dans l'orage.